Œuvre complète de saint Augustin, tome 12e, édition Guérin et compagnie, 1868. Extrait, de ce qui est bien dans le mariage. Chapitre 16, user du mariage comme des aliments. 18. Ce que la nourriture est à la santé de l'homme, le mariage l'est à la conservation du genre humain. L'un et l'autre produisent une délectation charnelle, mais cette délectation, contenue dans certaines limites, est restreinte par la tempérance aux besoins naturels, ne peut pas être appelée de la passion. Voir rétraction 2, chapitre 22, du bien conjugal, numéro 2, qui sera donné à la suite de ce chapitre. Or ce qu'est une nourriture illicite pour soutenir la santé, la fornication et l'adultère le sont pour obtenir de la famille. Supposez maintenant une nourriture illicite, non plus pour entretenir la santé, mais uniquement pour flatter l'estomac et la gourmandise, c'est l'image d'un commerce illicite qui en flattant la passion ne cherche point la génération. Ce qu'est enfin, pour quelques-uns, l'usage excessif de nourriture permise, c'est ce que sont pour les époux les relations conjugales dignes de pardon. De même donc qu'il est mieux de se laisser mourir de faim, que de manger des viandes certainement offertes aux idoles, de même il est mieux de mourir sans postérité que d'en chercher dans des relations coupables. Au contraire, de quelque manière que la naissance s'opère, si les enfants n'imitent pas les vices de leurs parents et s'ils servent Dieu comme il faut, ils seront honorables et sauvés. La semence de l'homme, de quelque source qu'elle découle, est l'œuvre de Dieu, en user mal, c'est se rendre coupable, mais, malgré l'abus, elle reste toujours ce qu'elle est. De même donc que l'adultère n'est nullement justifié par d'excellents enfants, qui en seraient le fruit, de même le mariage n'est nullement incriminé parce qu'il produit quelquefois des enfants mauvais. Nos pères du Nouveau Testament, quand, par devoir, ils prenaient leurs aliments, pouvaient éprouver la délectation naturelle de la chair, mais il faut se garder de les comparer à ceux qui mangeaient des viandes offertes aux idoles. 1 Corinthiens 7, 7, ou même à ceux qui mangeant des viandes, permises les prenaient, immodérément. De même nos pères de l'Ancien Testament, en usant du mariage par devoir, éprouvaient les effets de la délectation naturelle, mais ils étaient loin de la pousser jusqu'à la passion criminelle et déraisonnable, à plus forte raison jusqu'aux turpitudes des impudiques ou à l'intempérance de certains époux. C'est la charité qui inspire aujourd'hui de donner à Jérusalem, notre cité par excellence, des enfants spirituels, la même charité inspirée autrefois de lui en donner selon la chair. La diversité seule des temps a causé la diversité des œuvres de nos pères. C'est ainsi que les prophètes les moins portés aux choses de la chair devaient engendrer charnellement, comme les apôtres, qui n'avaient plus rien de charnel, devaient se nourrir de chair. Rétroaction 2, chapitre 22, du bien conjugal, numéro 2. J'ai dit aussi en un certain endroit, ce qu'est la nourriture pour la conservation de l'homme, le mariage l'est pour la conservation du genre humain, l'un et l'autre ne sont pas sans plaisir charnel, lequel étant réglé et maintenu dans son usage naturel par le frein de la tempérance, ne peut être une passion, Confession chapitre 16 numéro 18. Cette parole a été dite en ce sens que le juste et bon usage de la passion n'est pas une passion. En effet, s'il est mal de mal user de ce qui est bon, il est bon de bien user de ce qui est mauvais. Du reste, j'ai discuté plus à fond cette même matière, surtout contre les nouveaux hérétiques pélagiens. Ce que j'ai dit d'Abraham, par cette obéissance le patriarche Abraham, qui ne vécut pas sans épouse, fut prêt à être son fils unique, après avoir sacrifié ce fils. Confession 23, 31, je ne l'approuve pas. Il vaut mieux en effet croire qu'Abraham était persuadé que son fils, s'il l'immolait, lui serait rendu par une prompte résurrection, selon ce qui se lit dans l'Épître aux Hébreux, 10, 19. Chapitre 17. Les époux d'aujourd'hui et ceux des temps primitifs. 19. Quelque nombreux que soient aujourd'hui ceux dont il est dit, si la continence leur est impossible, qu'ils se marient. 1 Corinthiens 7, 9. Gardons-nous bien de les comparer aux saints époux d'autrefois. Il est vrai que le mariage, chez toutes les nations, n'a qu'un seul but, la génération des enfants. Ces enfants, par la suite, pourront être bons ou mauvais, mais toujours est-il que le mariage est institué pour leur donner une naissance légitime et honnête. Pour les hommes qui ne peuvent observer la continence, le mariage est en quelque sorte un degré d'élévation dans la vertu. Pour ceux qui auraient pu rester continents, si les nécessités de l'époque l'avaient permis, c'est par un sentiment de piété qu'ils se sont abaissés au mariage. Pour tous indistinctement le mariage, en tant qu'il a pour but la création des enfants, a été une chose bonne, mais quant au mérite propre des personnes la différence était très grande. En effet, dans les uns, malgré l'honnêteté du mariage, nous trouvons ce qui n'est pas de la nature du mariage et ne leur est concédé que par indulgence, je veux parler de ce qui excède les nécessités de la génération. Dans les autres, nous ne trouvons point ces excès. Que dis-je ? Présentez-moi des époux, s'il en est, qui ne cherchent et ne désirent, dans le mariage, que ce pourquoi le mariage a été institué, croyez-vous que je pourrais les placer sur le même rang que les saints dont je parle? Tous, il est vrai, désiraient des enfants, mais de nos jours, ce désir est un désir charnel, tandis qu'alors c'était un désir tout spirituel et prophétique, comme l'époque dans laquelle on vivait. Aujourd'hui quiconque est arrivé à la perfection de la piété, ne cherche plus que des enfants spirituels, tandis qu'autrefois c'était la piété elle-même qui inspirait la génération charnelle, laquelle était une annonce des événements et entrait dans le plan des prophéties. 20. Voilà pourquoi, s'il était permis à un homme d'avoir plusieurs femmes, une femme ne pouvait avoir plusieurs maris, même dans le cas de fécondité de sa part et d'impuissance de la part de son époux. Ceci repose sur une loi secrète de la nature qui cherche l'unité dans le chef, tandis que si la raison naturelle ou sociale le permet, plusieurs inférieurs peuvent, sans honte, reconnaître la direction d'un seul maître. Un seul esclave n'a pas plusieurs maîtres, tandis qu'il est dans l'ordre qu'il n'y ait qu'un seul maître pour plusieurs esclaves. De même nous ne voyons nulle part qu'une pieuse épouse ait eu deux ou plusieurs maris vivants, tandis que l'histoire nous montre des maris ayant chacun plusieurs femmes, quand les lois de la société le permettaient, ou que les besoins de l'époque l'exigeaient. Un tel état de choses n'est point contraire à la nature du mariage. En effet, un seul homme peut suffire à plusieurs femmes, mais une femme ne saurait suffire à plusieurs maris. Ce principe est fondamental. Ainsi Dieu a sous sa puissance toutes les âmes, car, pour elles, il n'y a qu'un seul Dieu véritable, tandis que pour une seule âme, livrée à plusieurs faux dieux, il n'y a plus de possible que la fornication et non la génération. Chapitre 18. La polygamie maintenant défendue. 21. Nous sommes tous appelés à ne former qu'une seule cité, n'ayant, pour Dieu, qu'un cœur et qu'une âme. Actes des Apôtres 4, 32. Après la mort, cette unité deviendra telle que les pensées les plus intimes seront perçues par tous, sans rencontrer nulle part la moindre divergence. Voilà pourquoi, sous le Nouveau Testament, le sacrement de mariage exige si rigoureusement un seul homme et une seule femme, qu'un homme qui aurait eu plusieurs femmes ne pourrait être élevé à l'épiscopat. 1 Timothée 3:2 Tite 1, 6. Cette loi est si formelle que plusieurs auteurs ont cru pouvoir l'appliquer au mariage contracté avant d'être chrétien, et soutiennent qu'un catéchumène ou un païen qui aurait plusieurs femmes, ne pourrait, étant devenu chrétien, arriver à l'épiscopat. On parle ici au point de vue du sacrement, et non au point de vue du péché, puisque tous les péchés sont effacés par le baptême. Celui qui a dit, « En prenant une épouse tu n'as point péché, en se mariant une vierge ne pêche pas, qu'elle fasse comme elle le désire, elle ne pêche pas en se mariant. » 1 Corinthiens 7, 28-36 Celui-là a suffisamment prouvé que le mariage n'est point un péché. Mais considérons la sainteté du sacrement. De même qu'une femme qui aurait été souillée avant son baptême, ne pourrait, après son baptême, être consacrée parmi les vierges, de même il paraît logique de croire que si l'on a pu, sans péché, avoir plusieurs femmes, on a cependant perdu tout droit au sacrement de l'ordre, on a pu mener une vie irréprochable, mais on manque d'un caractère nécessaire à l'ordination ecclésiastique. La pluralité des femmes, chez les prophètes, figurait la pluralité des églises, réunies toutes sous l'empire du Christ, ainsi l'évêque qui n'a eu qu'une seule femme figure l'union de tous les peuples au Christ, l'unique époux. Cette unité arrivera à sa perfection quand les ténèbres auront dévoilé leurs secrets, quand toutes les pensées du cœur se seront manifestées et que chacun recevra de Dieu sa louange. 1 Corinthiens 4, 5 Maintenant, sans que la charité en soit blessée, il s'excite des dissensions publiques ou secrètes entre ceux qui doivent plus tard ne former qu'un dans un seul, mais alors il n'y en aura plus aucune. De même que, dans les temps anciens, la pluralité des femmes figurait la multitude soumise à Dieu, au sein de toutes les nations de la terre, de même aujourd'hui l'unité de mariage figure l'unité que nous formerons tous dans la cité céleste, sous le regard et la puissance de Dieu. Comme il est impossible de servir deux ou plusieurs maîtres, de même il n'a jamais été, il n'est pas, il ne sera jamais permis à une femme d'avoir simultanément plusieurs maris. Apostasie est le culte d'un seul Dieu et se jeter dans une superstition adultère a toujours été un crime. Même dans le but de se former une postérité plus nombreuse, jamais nos saints n'ont imité le Romain Caton, qui, de son vivant, livrait sa femme à un autre pour que celui-ci en reçût des enfants. Dans le mariage chrétien, la sainteté du sacrement l'emporte sur la fécondité. Chapitre 19 La continence chrétienne comparée à la fécondité des patriarches. 22 Ainsi donc ceux-mêmes qui se marient dans la vue seulement d'avoir une postérité et de réaliser, ainsi la fin du mariage, ne peuvent soutenir la comparaison avec les patriarches, car ceux-ci, en demandant une famille, avaient des motifs bien plus élevés. Aussi quand Abraham reçut l'ordre d'immoler son fils, transporté soudain d'un héroïque dévouement, il n'eût pas épargné le fruit de ses plus ardents désirs, si son bras n'eût été retenu par celui au nom de qui il l'avait levé. Genèse 22, 12 Il nous reste à examiner si, du moins, la continence chrétienne peut être comparée à la fécondité patriarcale, Jusque-là nous n'avons rien trouvé de comparable aux patriarches, se pourrait-il que les vierges l'emportassent sur eux? Il est certain d'abord que le mariage, dans les patriarches, l'emportait de beaucoup sur le mariage tel qu'il doit être, il est certain, aussi, que ce dernier est de beaucoup inférieur à la continence. Alors, comme maintenant, le but du mariage était d'avoir des enfants, car c'est le but de tout être mortel de chercher quelqu'un qui le remplace après sa mort. Dire que ce désir n'est pas bon, c'est ignorer que Dieu est le créateur de tous les biens célestes et terrestres, immortels et mortels. Les animaux eux-mêmes ne sont pas privés de cet instinct dans la génération, surtout les oiseaux qui mettent tant d'empressement à construire leur nid, à former une sorte d'amitié conjugale et à nourrir leurs petits. Quant aux patriarches, en qui la chasteté, aidée de la protection du ciel, consistait, suivant certains auteurs, à produire dans le mariage des fruits jusqu'à 30 pour 1. Il donnait à ce besoin de toute nature mortelle un caractère de sainteté bien plus relevé. S'il voulait des enfants, c'était en vue de Jésus-Christ, afin de distinguer de toutes les autres nations, la race qui devait être la sienne selon la chair. Dieu lui-même l'avait ainsi voulu, comme si la prophétie à ses yeux la plus frappante dût être celle qui signalait la race et la nation dans laquelle le Verbe devait s'incarner. Si donc le mariage des chrétiens est une œuvre sainte, que devons-nous penser du but qu'entrevoyait Abraham dans l'acte du mariage, quand il ordonnait à son serviteur de placer la main sur son fémur et de faire un serment relatif à la femme qu'il devait procurer à son fils. Genèse 24, 2 à 4. En effet, que signifiait ce placement de la main, ce serment au nom du Seigneur, si ce n'est que le Seigneur du ciel viendrait un jour dans une chair qui tirerait de lui son origine? Le mariage est donc un bien, mais les époux sont d'autant plus saints qu'ils sont plus chastes, plus fidèles et plus craignants Dieu, surtout s'ils nourrissent spirituellement les enfants qu'ils désirent charnellement. Chapitre 20. Les purifications anciennes. 23. La loi prescrivait une purification après l'acte conjugal, mais on ne doit pas en conclure que cet acte soit un péché, si l'on n'en voit pas dans ce que l'apôtre tolère avec indulgence, quoique trop répété cette sorte d'acte soit un obstacle à la prière. On sait qu'en beaucoup de points la loi n'était qu'une ombre et une figure, ainsi la semence encore informe qui doit former le corps de l'homme, devait signifier une vie informe et grossière, cette grossièreté de la vie, pour disparaître, a besoin de la doctrine et de l'enseignement. C'est ce que symbolisait la loi de la purification obligatoire après toute émission de la semence. L'émission qui se produit durant le sommeil n'est pas un péché, cependant elle devait être suivie aussi de la purification. Il est vrai que certains auteurs y voient un péché, prétendant qu'elle est toujours le résultat d'un désir coupable, mais c'est là une erreur. Du moins on ne peut voir un péché dans les règles mensuelles de la femme, néanmoins la loi ancienne les faisait suivre encore d'une expiation, Lévitique 15, sans doute parce qu'il y a là aussi la matière difforme d'où résulte le développement du corps. Quand donc a lieu cette émission de matière informe, la loi y considère l'image d'un cœur qui se répand et se dissipe sans honneur et sans frein. La purification, à son tour, figure clairement la nécessité de comprimer les élans de ce cœur. Enfin, est-ce donc un péché de mourir, et n'est-ce pas un acte d'humanité d'ensevelir les morts? Cependant, même alors, la purification était obligatoire. Nombre 19, 11. Non, Le corps privé de vie n'est pas un péché, mais il symbolise parfaitement l'état d'une âme dépouillée de la justice. 24. Je conclus donc que le mariage est chose bonne, et que l'on peut aisément le justifier de toutes les calomnies. Et si l'on veut parler du mariage des saints patriarches, je demande, non pas quel mariage, mais quelle continence peut lui être comparée. Mais il est inutile de comparer mariage à mariage, puisque partout le mariage est un don d'égale valeur accordé à la nature encore sujette à la mort, il s'agit de comparer des hommes qui usent du mariage, avec d'autres hommes qui en ont usé bien différemment, et comme je ne trouve personne, parmi les derniers, que je puisse comparer au premier, je dois chercher des termes de comparaison parmi ceux qui ont observé la continence. Oserait-on dire qu'Abraham n'a pu conserver la continence en vue du royaume des cieux, lui qui, pour arriver à ce royaume, n'hésita pas un seul instant à immoler son fils unique, le seul objet pour lequel le mariage lui était devenu cher? Markendanarchive.org, 2021, d'après bibliothèque-monastique.ch et Books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.